Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons à étudier le premier chapitre de l'Évangile de Luc, et nous sommes rendus au verset 26, lorsque l'ange Gabriel va parler à Marie. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, merci que tu vas annoncer à Marie la naissance du Messie. Et tu vas le décrire, tu vas nous dire qu'est-ce qu'il va faire, qui il est. Et on te demande, Seigneur Dieu, que tu puisses nous aider à bien comprendre le message de Gabriel à Marie, qui est finalement ton message. Donc, guide-nous par ton Esprit Saint. Amen. Nous avons vu jusqu'à date que Luc, qui est un non-juif, écrit aussi à Théophile, qui est un non-juif, et il veut le rendre certain. Il dit, je veux que tu sois certain de ce que tu as entendu. Donc, j'ai vérifié exactement, précisément, auprès des témoins oculaires qui m'ont donné l'information que je vais te transmettre. Ensuite, on a vu que Gabriel est venu à annoncer à Zacharie que sa prière de la venue du Messie a été exaucée et qu'il serait précédé par un enfant qui va être l'enfant de Zacharie et d'Élisabeth, et son rôle va être de préparer le peuple d'Israël à être bien disposé pour l'arrivée du Messie. On a vu ensemble qu'Élisabeth rend grâce à Dieu que, dans sa grâce, il a décidé d'enlever l'opprobre d'Israël. L'opprobre d'Israël qui avait été rejeté par Dieu, emmené en esclavage, ramené, mais toujours sous la domination romaine. Donc, ils ne sont pas libres dans le pays que Dieu avait promis leur donner à cause de leur péché, à cause de leur idolâtrie. C'est pour ça que Jean doit prêcher la repentance afin de ramener le peuple vers son Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir Gabriel, le même ange, qui vient de Dieu aussi, qui va apparaître à une jeune femme pour l'annoncer, l'arrivée qu'elle va être la mère du Messie. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle invitation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Donc, 6 mois après que Gabriel avait apparu à Zacharie, Gabriel va aller dans une ville de Nazareth, parler avec une jeune vierge. Même si elle est fiancée, elle est encore vierge. Il est important qu'elle soit vierge. Luc ici ne parle pas des prophéties. Mais lui, il va faire ressortir qu'une vierge ne peut pas être enceinte et qu'une vierge ne peut pas enfanter. Pour qu'elle puisse enfanter, naturellement parlant, il faut qu'elle perde sa virginité dans une relation sexuelle avec un homme. Mais il dit, la vierge va enfanter. C'est ce qui épate Luc le médecin, Luc l'historien. Donc, il dit, elle est fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David, donc descendance royale, nommé Joseph, et le nom de la Vierge est Marie. Donc, voyez-vous, il nomme des villes. Encore une fois, je vais faire ressortir ça souvent. Nazareth, un homme appelé Joseph, une femme appelée Marie, des gens vivants, bien là, des Juifs que tout le monde connaît. Joseph, le charpentier, Marie, qui vit à Nazareth. Donc, c'est des gens qui sont là, que le monde connaît, comme Zacharie, comme Élisabeth. Donc, l'ange la visite, on a ça au verset 28, et lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Donc, il dit à Marie, « Je te salue, pas pleine de grâce, comme on a appris dans notre Job sur Marie. » Mais il dit, à qui une grâce a été faite? Le Seigneur est avec toi. C'est une grâce que le Seigneur soit avec toi. C'est une grâce. L'homme pécheur, l'homme mort spirituellement, Marie faisait partie du peuple de Dieu. Donc, elle faisait partie des êtres humains. Et les êtres humains sont pécheurs. Donc, quand Dieu visite un être humain pécheur, c'est une grâce. Et Dieu va être avec toi, Dieu va t'utiliser, Dieu va te prendre pour accomplir quelque chose. Mais c'est par grâce que Marie a été choisie. Marie n'était pas la seule fille vierge en Israël. C'est dans sa souveraineté qu'il a décidé de prendre Marie. Elle n'était pas meilleure que les autres. Elle n'était pas plus sainte que les autres. Elle n'était pas plus pure que les autres. Le choix devait s'arrêter sur une fille vierge pour démontrer que celui qui était pour naître avait à avoir deux natures, une nature humaine et on va voir un peu plus loin une nature divine. Donc, c'est une vierge, fiancée, mais vierge. Et l'ange lui dit, une grâce t'a été faite. Dieu t'a choisi pour accomplir son plan. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, parce qu'elle est troublée. Elle a peur. Zacharie a eu peur quand il a vu Gabriel. C'est toujours la réaction naturelle des êtres humains. Quand l'être humain voit l'invisible apparaître, il a peur. C'est normal. Quand un ange apparaît, c'est l'invisible, qui devient visible à l'œil humain. Et Marie est dans la peur, mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie. Une grâce t'a été faite. Marie va revenir là-dessus dans son cantique, dans le chapitre 1, un peu plus loin. Elle va revenir là-dessus, de parler de cet état, de cette grâce qui lui a été faite. Elle est très consciente, elle va nous le dire, qu'elle ne mérite pas, plus que n'importe qui d'autre, d'être la mère du Messie. Et c'est ça ce que l'ange lui dit, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et là, elle lui dit quelque chose de surprenant pour elle, qui est une vierge. « Tu vas devenir enceinte, Marie, et tu vas enfanter un enfant, un mâle, que tu vas lui donner le nom de Jésus, qui veut dire Dieu sauve. » Donc, il dit « Tu vas enfanter, Marie, d'un garçon. » Et il décrit ce garçon-là, « Il sera grand. » Il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Donc, il va être appelé fils du Très-Haut, celui qui est descendant de Dieu. Faut faire attention, fils du Très-Haut, David est appelé fils. Les anges sont appelés fils de Dieu. Ici, fils du Très-Haut, ça veut dire qu'il va être celui qui va diriger pour Dieu, qui va être la main de Dieu dans le monde. Sa nature divine, tout à l'heure, va être dit un peu plus loin, qu'il va être appelé fils de Dieu. Ici, je crois que l'expression fils du Très-Haut fait plus lien à son rôle qu'à sa nature. C'est pour ça que tout de suite, après l'avoir appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Fils du Très-Haut, pour moi, est lié avec le travail qu'il va faire, la job qu'il va avoir, le rôle qu'il va jouer. Il va jouer le rôle de roi, le roi d'Israël. Il va être assis sur le trône de David, son père. Donc, il est descendant de David, parce que David est appelé son père. Son père, dans le sens qu'il est le roi que Dieu avait choisi, le roi que Dieu avait donné à Israël, le roi par lequel Dieu dirigeait Israël, parce que le roi était toujours l'instrument de Dieu pour diriger le peuple. Il dit ici, cet enfant qui va naître de toi, Marie, il va être le fils du Très-Haut, donc Dieu va l'utiliser, il va l'établir comme roi sur le trône de David, son père. Et je crois que Marie commence à comprendre que cet enfant va être le Messie promis, le roi promis à David, dans toutes les prophéties de l'Ancien Testament qu'elle connaît comme toute femme juive. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Donc, il dit, il va devenir le roi, ton enfant, mais il va avoir quelque chose de spécial, de différent que son père David, de différent de tous les autres rois. C'est que son règne n'aura jamais de fin. Ça veut dire que lui va vivre éternellement. Tu ne peux pas régner éternellement si tu meurs après 40 ans ou 50 ans ou 75 ans. Ton règne demeure éternel si toi-même tu es éternel. Donc, il est en train de lui dire, le Messie, comme il avait été annoncé à David, tu vas avoir un descendant qui va devenir roi et qui va régner éternellement. Et ici, c'est ce qui va arriver avec l'enfant de Marie. Et là, Marie pose une question qui est très normale. Elle dit, comment est-ce que ça va être possible? Je ne connais pas d'homme. Elle connaît. Joseph, c'est son fiancé. Elle en connaît des hommes. Mais le mot connaître, ici, parle de relation sexuelle. Elle dit, vu que je ne couche pas avec un homme encore, je ne suis pas encore marié. Donc, comment ça va se faire que je vais devenir enceinte? Et l'ange ne voit pas en elle l'incrédulité de Zacharie, mais plutôt une question, une information qu'elle veut avoir. Comment ça va se faire? Mais il dit, au verset 35, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira de son ombre. » Donc, il dit, le père de cet enfant-là, ça va être le Saint-Esprit. Donc, tu vas devenir enceinte par un miracle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit qui est celui qui régénère, qui crée, qui est puissant, va intervenir pour que Marie devienne enceinte. Il dit, c'est pour cela, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Là, on parle de sa nature. Tout à l'heure, quand il parlait du Fils du Très-Haut, je pense qu'il parlait de son rôle, mais ici, il va parler de sa nature. Vu qu'il n'y aura pas de père humain, mais que c'est l'Esprit de Dieu qui va être son père, c'est Dieu lui-même qui va être son père, il va être appelé Fils de Dieu. C'est un bel exemple ici que l'Esprit de Dieu est aussi Dieu. Parce qu'il dit, c'est le Saint-Esprit qui va concevoir l'enfant, mais il va être appelé Fils de Dieu. Donc, pour moi, l'Esprit de Dieu est Dieu, ou le Saint-Esprit est Dieu. Donc, Marie va avoir un enfant qui va être humain, hein, qui va être humain parce que sa mère est humaine, mais il va être aussi divin parce que son père est Dieu. Et c'est essentiel. Il est impossible de sauver l'humanité et de préparer un peuple pour Dieu qui va le servir pour l'éternité sans que Jésus soit un être humain à 100% et un être humain aussi un être divin à 100%. Il doit être les deux à 100%. Pas moitié-moitié, pas 50-50. Pas 80-20, mais 100% humain et 100% divin. On va le voir à s'en allant. Et Luc va mettre beaucoup d'emphase pour démontrer que Jésus, malgré tout ce qu'il a fait de miraculeux et de spectaculaire, était un être humain à 100%. S'il veut prendre la place des êtres humains, d'être l'intercesseur des êtres humains, il doit être un être humain. Parce que Dieu veut sauver les êtres humains et il doit, avant de les sauver, de les justifier, il doit les châtier. parce qu'il est un Dieu juste, on va voir ça en s'en allant. Et Jésus doit subir la colère de son Père en tant qu'humain, parce que la colère de Dieu était destinée aux êtres humains. On va tout expliquer ça en s'en allant dans les chapitres qui vont venir. Et là, il dit au verset 36, « Voici Élisabeth, ta parente. Elle aussi est devenue enceinte. » Élisabeth, Marie la connaît. Elle sait qu'elle est vieille, elle sait qu'elle est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais il dit oui, elle est enceinte, et elle est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Zacharie et Élisabeth étaient vieux, Élisabeth était stérile, mais elle est enceinte d'un sixième mois. Rien n'est impossible à Dieu. Toi, Marie, tu es vierge, mais tu vas enfanter. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu veut qu'une jeune vierge enfante, elle va enfanter en étant vierge. Il fallait que ce soit ainsi. Il était impossible que naisse un homme, 100% homme et 100% Dieu, sans qu'il y ait une intervention divine, sans qu'il y ait un miracle de Dieu. Ce n'était pas possible pour l'être humain. Dieu ne pouvait pas avoir un homme et une femme créer un enfant divin. C'est impossible. Un homme, un enfant divin et humain, c'est possible seulement que pour Dieu. Et Marie répond, « Qu'il me soit fait, selon ta volonté, je suis la servante du Seigneur. » Il nous dit ici qu'il va être humain par Marie, il va être divin par Dieu, et son rôle, ça va être de quoi? L'ange, il dit ici, il vient pour régner. C'est un roi. Il ne vient pas ici pour sauver. Il va venir pour régner sur des gens sauvés. Il va faire attention. On met ça de côté bien souvent dans l'Évangile. On dit juste aux gens, Jésus est venu te sauver, il est venu te sauver et pour que tu ailles au ciel. Non, il est venu pour te sauver afin de pouvoir régner sur toi et que tu puisses devenir un serviteur de Dieu son Père pour l'éternité. Il me sauve pour que je puisse être soumis à mon roi et que je le serve, lui et son père. C'est pour ça que Marie a dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. » Nous sommes, nous, les croyants, des serviteurs et des servantes de Dieu. Parce que comme Marie, on accepte de voir Jésus comme étant notre roi. On accepte ça. Si tu ne veux pas d'un roi, tu ne peux pas l'avoir comme sauveur. Parce que lui, il va sauver seulement des gens qui sont repentants et qui acceptent de l'avoir comme roi afin qu'il puisse régner sur lui et qu'il puisse devenir un serviteur et une servante. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne veux pas être un serviteur et une servante. Si tu veux être sauvé seulement pour aller au ciel, tu vas manquer le bateau. Tu ne pourras pas être sauvé. Mais si tu veux être sauvé pour accepter Jésus comme roi, ou des fois on dit comme Seigneur, et comme Sauveur, là tu peux être sauvé. Mais si tu l'acceptes comme roi et comme Sauveur, tu vas être sauvé pour servir, pour rendre gloire et honneur et un service à Dieu, notre Créateur. Ça, c'est la raison d'être. Donc, pour me sauver, pour pouvoir que je puisse servir Dieu, il va s'incarner, Dieu s'incarne dans Jésus, parce qu'il va devenir le divin vient dans l'humain et il va régner sur moi en tant que je suis son serviteur ou sa servante. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, merci, merci, merci que tu as envoyé ton Fils. Tu n'as pas envoyé, tu es venu, toi, par l'Esprit Saint, tu es venu dans Marie. Tu as habité en Marie. Et la nature divine a habité dans la femme qui est Marie. Donc, notre Sauveur est humain et divin. Mais donne-nous d'accepter le fait qu'il vient régner sur un peuple. Il règne sur nous. Nous sommes ses sujets. Nous sommes ses serviteurs et ses servantes. Mais on est serviteur de Dieu. On est serviteur de notre roi, de notre créateur, de notre sauveur. Au nom de Jésus, Amen.